الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة والأشياء النجسة. C'est-à-dire que nous passons à la porte suivante, qui est le fait de se purifier des impuretés et de toutes les impuretés en général. Et avant de parler de ce qu'a dit Cheikh Rahimahullah, eh bien, il faut savoir que l'impureté, eh bien, c'est exactement le contraire de la pureté. C'est logique. Dans le sens où tout ce qui est, tout ce qui est impur, et ceci, je parle bien sûr dans la langue, c'est toute chose qui est sale. Toute chose qui est sale. Cela ne veut pas dire que toute chose qui est sale linguistiquement est impur dans la législation. Ça ne veut pas dire que toute chose qui est sale fil loura dans la langue, eh bien, est impur dans la législation islamique. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de terre sur lui, de la boue et tout ça, les gens vont dire il est sale. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impur. Dans le sens religieux du terme. أما في الشرع فالنجاسة هي عين مستقدرة شرعا. C'est-à-dire c'est une chose qui est impure religieusement. C'est-à-dire que دل الشرع على نجاستها. C'est-à-dire que الشرع il a montrer son impureté, son sens impur. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que nous revenons à ce que nous avions dit précédemment, que l'aslu fil ashiya at-tahara, c'est que la base dans les choses, c'est qu'elles sont pures. Et que nous pouvons juger une chose comme étant impure que si nous avons une preuve que cette chose est impure. Et si nous n'avons pas de preuve sur l'impureté d'une chose, eh bien nous retournons à sa base, qui est que cette chose-là est considérée comme étant pure. Donc il faut savoir que al-ulama rahimahumullah, ils coupent l'impureté en deux catégories. La première catégorie, c'est an-najasatu al-ayniyah, c'est-à-dire l'impureté elle-même. Et l'impureté elle-même, eh bien, elle peut être solide, comme être liquide, ou comme être molle. C'est-à-dire, ni solide, ni liquide, entre les deux. Et cette najasa, cette impureté en elle-même, elle ne se purifie jamais. Prends, mathalan, un chien. Le chien, il est impur. عند الجمهور. Même s'il y a un khilaf à la kulli hal, on ne va pas expliquer, mais admettons que le chien il est impur complètement. C'est-à-dire que même si tu le laves avec du savon, eh bien il va rester, le chien va rester impur. Il va rester impur puisque c'est une najasa ayniya. La tutahhar bihal. C'est-à-dire qu'elle ne se purifiera jamais. Le deuxième catégorie d'impureté, c'est l'impureté hukmiya. C'est l'impureté dans le jugement. L'impureté dans le jugement. Et l'impureté dans le jugement, c'est que cette impureté est tombée ou s'est mélangée à une chose qui est pure. Comme par exemple, quelqu'un qui a uriné sur son vêtement. Son vêtement, il est pur. Mais il a uriné sur son vêtement. Donc son vêtement est devenu impur par cette urine qui était sur son vêtement. Et celle-ci, il l'appelle al-hukmiya, c'est-à-dire dans le jugement. Wa hadihi allati turfa wa tuzal, c'est-à-dire c'est celle-ci qui doit être purifiée, doit être enlevée. Al-musannif rahimahullah, ou plutôt celui qui a fait le titre de la porte, c'est-à-dire celui qui a l'imprimeur, il a dit izalatu an-najasa. Et l'izala, ça implique qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'enlève. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui enlève cette impureté. C'est-à-dire, soit il l'enlève avec de l'eau, soit il l'enlève autrement. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'enlève. Alors que l'ulama, dans certains kutubs de fiqh, ils disent « zawal al-najasa » qui veut dire que « al-najasa » il se peut qu'elle se part toute seule. Qu'elle part toute seule. Dans le fait que, mathalan, nous allons donner un exemple. Une najasa qui tombe dans un tonneau d'eau. Un tonneau d'eau. Cette najasa va rester un certain temps jusqu'à ce qu'elle va se désintégrer. Et qu'elle n'aura plus de wujud. Elle n'aura plus de présence. Est-ce que la najasa est partie? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a enlevée? Non. Mais cette najasa, elle s'est détériorée toute seule. Et zawal, isti'mal, zawal, al-najasa, a'am, c'est plus général que d'utiliser izala. D'autres savants, et ceci est un taqsim, khlas, al-hukmiya, c'est-à-dire al-najasa al-hukmiya, certains savants, ils l'ont partagé en trois catégories de d'impureté. Awalan, la première qui est an-najasatul mughallada, c'est-à-dire l'impureté qui est lourde, la grosse impureté. Et nous donnons comme exemple à cette impureté wulugh al-kalb, c'est-à-dire lorsque le chien il lèche par exemple un ina, c'est-à-dire un bol par exemple. Eh bien, cette impureté-là ne peut se lever qu'en réunissant avec de l'eau, cette fois, et avec une, avec de la terre. فَهِيَا نَجَاسَةٌ مُغَلَّضَةٌ. C'est une grosse impureté qui implique l'utilisation de la terre et de l'eau. Et que cette impureté ne se lève qu'avec l'utilisation de l'eau. أما النجاسة الثانية فهي المتوسطة, c'est-à-dire celle qui est moyenne, l'impureté moyenne. Et l'impureté moyenne, c'est par exemple ce qui sort des parties des êtres humains, comme par exemple l'urine ou bien les selles, etc. Tout ça est considéré comme étant une impureté moyenne, dans le sens où il suffit de la laver avec de l'eau pour qu'il se lève son hukm, c'est-à-dire qu'elle s'enlève cette impureté. Troisième, an-najasatul mukhaffafa, l'impureté qui est légère. Et l'impureté légère, eh bien, nous allons l'expliquer après, mais je donne l'exemple quand même. C'est l'impureté de l'enfant qui n'a pas mangé, qui n'a pas encore mangé. Mais bien sûr, nous expliquerons cela en détail. Eh bien, cet enfant-là, s'il urine, son urine, c'est une impureté. Mais il suffit pour lever cette impureté, an-nadh. An-nadh, c'est le fait de asperger, barakallahu fik. Il faut asperger. Donc vous voyez la différence. Le premier, il faut l'eau et la terre. Le deuxième, il faut que l'eau, mais tu laves. Le troisième, yakfi fihi an-nadh. Yani le fait d'asperger. Wa hada bawl as-sabi as-sagir alladhi lam ya'kul. Celui, c'est pour l'enfant le petit qui n'a pas encore mangé. Dans le sens où nous allons l'expliquer inshallah ta'ala. Donc il dit Cheikh Saadi rahimahullah, ويكفي في غسل النجاسات على البدن او الثوب او البقعه او غيرها. Donc il dit, il suffit de laver l'impureté sur le corps ou sur le vêtement ou sur al-buq'a, c'est-à-dire qui est l'endroit dans lequel nous allons prier, etc. ou غيرها, c'est-à-dire dans n'importe quelle autre chose. Donc il suffit de laver l'endroit pour que la chose, elle devienne pure. Elle devienne pure. Et il dit ensuite, Antazoula aynuha anil mahal. C'est-à-dire que la najasa en elle-même, elle doit disparaître dans le sens où elle disparaît, et non pas si par exemple il reste son impact, c'est-à-dire sa couleur, ou un peu de son odeur sur le vêtement, mais que l'impureté est partie, eh bien cela, il n'y a pas de mal. Dans le sens où l'impureté doit disparaître, elle. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'il dit « Antazoula aynuha anil mahal ». C'est-à-dire que l'impureté elle-même doit disparaître de l'endroit. « Lianna al-shari'a lam yashtarit fi jami' ghusl al-najasat adadan illa fi najasat al-kalb fashtarat fiha sab' ghasalat ihdahunna bit-turab fi al-hadith al-muttafaq alayh. » Donc là ensuite il dit, car le législateur n'a pas conditionné dans les impuretés un nombre précis de lavages, sauf dans le lavage de l'impureté du chien, où il a conditionné par 7 lavages, une d'entre elles avec de la terre, comme l'a été rapporté dans les 2 recueils authentiques. Qu'est-ce qu'il veut dire, rahimahullah ? Il veut dire que إذا زالت النجاسة زال حكمها. C'est-à-dire, il veut dire que si l'impureté a disparu, eh bien son jugement disparaît avec elle. C'est-à-dire que l'endroit, le vêtement et le corps devient pur. Sans conditionner cela au nombre de lavages. C'est-à-dire quand la personne il va faire ses ablutions, il va laver ses parties. Il ne doit pas laver ses parties 10 fois ou 15 fois. Ou 3 fois ou 50 fois. Non. Il doit laver ses parties jusqu'au moment où quoi ? L'impureté disparaisse. Jusqu'à ce que l'impureté disparaisse. Et cela n'est pas conditionné à un nombre précis. Et bien sûr, nous sortons de cette généralité, l'impureté du chien et l'istijmar. L'istijmar qui est le fait d'utiliser quelque chose de solide pour se purifier ses parties. Car nous avions dit précédemment qu'il fallait au minimum, et ceci est une condition, 3 pierres dans la vie le plus authentique. Et si l'impureté ne disparaît pas, et nous l'avions dit aussi, et cela était conditionné au fait que ce soit un père. Voyez ? Donc, Al-Musannif Rahimahullah, l'auteur il dit que l'impureté, à partir du moment où elle disparaît, yani elle disparaît elle, eh bien cela suffit pour considérer le vêtement ou bien l'endroit ou bien le corps comme étant pur. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala il dit, et ceci il l'a pris de Cheikh l'Islam. Nous avions dit précédemment que l'imam al-Sa'di, beaucoup il s'appuyait sur les avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, Cheikh, innahu la yajibu al-adada fi ghusl al-najasa ghayra al-kalb. Donc il dit, il n'est pas obligatoire un nombre précis dans les lavages des impuretés, sauf pour le chien. بل يكفي غسلة واحدة. Et il suffit même avec un lavage. Et vous voyez bien que nous parlons du lavage. Donc il suffit d'un lavage tant que l'impureté disparaît. Ensuite il dit d'autres paroles. Donc cette parole a été prise par de Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala. Pourquoi il cite cela, l'imam Sa'di? Car il y a certains savants, rahimahumullah, jami'an, qui ont considéré qu'il fallait un nombre précis pour l'impureté, pour enlever l'impureté. Donc ils ont considéré certains, et c'est ce qui est connu du madhab Hanbali par exemple, qu'il fallait au minimum 7 lavages pour enlever une impureté. D'autres ont dit 3. Mais nous voyons que par la parole de Sheikh As-Sa'di rahimahullah, de Sheikh l'Islam Taymiyyah, que en réalité, à partir du moment où l'impureté disparaît, eh bien, son jugement disparaît avec elle. C'est-à-dire que la chose qui est lavée passe du jugement d'impur au jugement de pur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont pris, premièrement, une parole d'Ibn Omar, où il dit « Umirna bi ghusli al-anjas sab'an ». Il est rapporté d'Ibn Omar qu'il dit qu'on nous a ordonné. Et lorsque les compagnons disent « on nous a ordonné », al-hadith lahu hukm al-marfu'. C'est-à-dire que le hadith est considéré comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'ordre ne peut venir que de lui ou d'Allah azza wa jal. Mais cette parole que Ibn Omar dit, on nous a ordonné de laver les impuretés 7 fois. Eh bien, cette parole n'a pas de isnad. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose avec laquelle nous pouvons prendre comme preuve. Il est rapporté aussi dans le Mousnad de l'imam Ahmad et dans Sunan Abi Daoud, d'après Ibn Omar lui-même, où il dit « كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع » Il dit que la prière était 50 et que le lavage de l'état, de le grand lavage, il était de 7. Il était de 7. Puis, cela est redevenu moins dans la prière, jusqu'à ce que la prière est devenue 5, et que al-ghassalat, c'est-à-dire le fait de se purifier, est devenu une fois. Et ce hadith-là aussi, c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Donc, al-qissa, c'est quoi ? C'est que à partir du moment que l'impureté disparaît, yani aynouha, je parle de l'impureté elle-même, eh bien, son jugement disparaît avec elle. Al-imam al-Sa'di rahimahullah ashara ila najasat al-kalb. C'est-à-dire, il a dit que le chien, s'il walara, c'est-à-dire qu'il met sa langue dans le récipient et yuharrikuha. Qu'est-ce que le wulour ? Le wulour, c'est le fait de mettre sa langue dans un récipient où il y a quelque chose et de bouger la langue. Ça s'appelle le wulour. Si le chien il met sa langue dans un récipient où il y a quelque chose et qu'il bouge sa langue, eh bien, il faut laver 7 fois. Al-lahs, le fait de lécher, c'est le fait que le chien mette sa langue dans un récipient qui est vide. Il n'y a rien dedans. Lahasa al-ina, c'est-à-dire qu'il a mis sa langue, il a léché, mais il n'y a rien dedans. Donc c'est pour ça, mes frères, que le chien, il y a un khilaf sur le fait que le chien est najis complètement. Et Jumhur al-Ulama, la majorité des savants, considèrent que le chien est une impureté complète, qu'il est najis, kulla. Et خالف في ذلك الإمام مالك. L'imam Malik, il considère que le chien n'est pas impur. Voyez, il considère que le chien n'est pas impur. Et il y a un troisième avis qui dit que لعاب الكلب, c'est-à-dire sa bave, c'est ceci qui est impur, et non pas lui-même, c'est-à-dire Aynu al-Kalb. Ala kulli hal, c'est un khilaf. Et l'ahwat, c'est de rester sur Qawl al-Jumhur, même si al-Qawl, que la parole qui dit que ce sont Lu'ab, elle est forte aussi. Donc le chien, lorsqu'il met sa langue dans un récipient où il y a quelque chose dedans, eh bien il faut laver ce récipient 7 fois. Ihdahunna bit-turab, comme il a été rapporté dans les 2 recueils authentiques. Et il a été rapporté dans Sahih Muslim, Oulahunna bit-turab. Wa fi sunan at-Tirmidhi, akhiruhunna bit-turab. C'est-à-dire, il a été rapporté dans l'authentique de Muslim, le premier lavage doit se faire avec de la terre. Et il était rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, le dernier lavage. Wal-asahu al-awwal. Le plus authentique, c'est que le premier lavage doit être fait avec de la terre. Et non pas le dernier. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les hadiths de Sahih Muslim sont plus authentiques que les hadiths qui sont dans Sunan al-Tirmidhi. La deuxième raison, c'est que il est plus logique de laver en premier avec de la terre, puis avec de l'eau, que de faire l'inverse. Donc c'est pour cela, mes frères, qu'il faut laver le récipient une fois avec de la terre, puis les autres fois avec de l'eau. Et il faut absolument que le récipient soit lavé avec de la terre. Il faut absolument que le récipient soit lavé avec de la terre. ذَلِكَ لِمُوَافَقَةِ النُّصُوصِ. Pour être en concordance avec les textes religieux qui sont rapportés de notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut savoir que ceci englobe tous les chiens. Tous les chiens sont englobés dans cette parole. Et on introduit aussi tous les animaux féroces qui ressemblent aux chiens. Tous les animaux féroces qui ressemblent aux chiens. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, avant de dire la parole du shir qui suit, est-ce que nous devons considérer d'autres animaux que le chien? Le texte, il est venu avec le chien. Mais est-ce que nous pouvons mettre d'autres animaux, notamment le porc qui est najis aussi? Est-ce que nous le considérons aussi, par exemple, un cochon? Il vient et il lèche dans un récipient. Est-ce que nous devons laver ce récipient 7 fois et une fois avec de la terre? Eh bien, ceci est l'avis de certaines personnes qui ont fait l'analogie entre le chien et le cochon. Mais le as-sahih, wallahu a'lam, c'est que la yuqas al-khinzir al-kalb, que nous ne faisons pas d'analogie entre le cochon et entre le chien. Pourquoi? Premièrement, parce que le texte, il est venu sur le chien uniquement. Deuxième raison, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des cochons, il y avait des porcs. Il y en a beaucoup, nous, à notre époque, il y en a beaucoup plus. Mais il y en avait. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que si le cochon, il vient mettre sa langue dans un de vos récipients, lavez-le 7 fois, une fois avec de la terre. Donc, mes très chers frères, il dit l'auteur, rahimahullah, وَالْأَشْيَاءُ النَّجِسَةُ بَوْلُ الْأَدَامِ وَعَذَرَاتِهِ أَوْ عَذَرَاتِهِ وَالدَّمْ إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ الدَّمِّ الْيَسِيرِ. Donc il dit les choses qui sont impures, c'est-à-dire l'urine de l'homme, et ses excréments, le sang, sauf si il est peu. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. Il dit comme le sang qui coule des bêtes que nous mangeons, sauf le sang qui reste dans la viande et dans les veines, il est pur. On va expliquer ça, inshallah ta'ala. Premièrement, il a parlé de l'urine et des excréments. Et ceci, il n'y a aucun doute sur le fait que l'urine et les excréments sont une impureté. Et cela est avec le consensus de tous les savants. Le consensus de tous les savants. Et il y a les versets du Coran où Allah Azza wa Jal dit: « Et si l'un de vous vient l'envie de uriner ou urine ou fait ses excréments, eh bien, qu'il fasse ses ablutions. » Aussi, il y a le hadith de l'Arabi qui a uriné dans la mosquée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de nettoyer avec de l'eau. Il dit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala « Fihi ithbat najasatul baoul wa huwa mujma'un alayh » Donc il dit, il y a le consensus sur le fait que l'urine de l'être humain est une impureté. Donc l'urine et les excréments, eh bien, les deux sont considérés comme impurs bi-ijma'. Et le ra'it, vous savez qu'est-ce que le ra'it ? Al-gha'it, c'est le kharij min al-sabilayn. Que ce soit les excréments de derrière ou de devant. Les deux, yutlaq alayhi al-gha'it. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alphab, les mots, ils ont plusieurs vérités, plusieurs haqa'iq. Donc, un mot utilisé, il peut avoir une haqiqa lughawiyya, c'est-à-dire qu'il a un sens linguistique. Ce sens linguistique englobe certaines choses plus larges, des fois. Walahu haqiqatun urfiyya, c'est-à-dire qu'il a une vérité que les gens ont utilisée. Je vous donne un exemple. Lorsque nous disons, par exemple, ad-dabba, qu'est-ce que dabba pour les gens? Qu'est-ce que dabba? Dabba, c'est la bête. C'est-à-dire que c'est les animaux. Mais en réalité, dans la langue arabe, dabba, c'est kullu man dabba ala al-ard. Tout ce qui est marché sur la terre s'appelle dabba. C'est-à-dire que l'homme, il rentre dedans. Mais bil-urf, c'est-à-dire avec l'urf, hein? Comment? Voilà, la chose qui est connue auprès des gens, c'est devenu, on parle de dabba pour les bêtes. Et il a une haqiqa, Allah lahu haqiqatun shar'iyya. Il a une vérité religieuse. Donc il y a trois haqaiq. Il y a la haqiqa al-lughawiyya, wal-urfiyya, wal-shar'iyya. La vérité dans la langue, la vérité dans ce qui est connu auprès des gens, et la vérité dans la législation. Et il peut y avoir des différences, et c'est souvent le cas qu'il y a des différences entre eux. Donc le ra'it fil lugha, c'est ce qui sort de devant et de derrière. Les gens fi a'rafihim, dans leur ce qu'ils connaissent, c'est ce qui sort de derrière le ra'it. Tayyib. Ala kulli hal, il y a ijma' sur le fait que ma kharaja min as-sabilayn min al-bawli ou il ra'it, urfan bien sûr, eh bien, il est considéré comme étant najis, c'est une impureté. Il a dit le musannif rahimahullah, wad-dam, et le sang. Ya'ni yaqsid bid-dam, damul adami, c'est-à-dire le sang de l'être humain, est-ce que le sang de l'être humain est une impureté ou est-ce que le sang de l'être humain n'est pas une impureté? Et il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants sur le sang de l'être humain. Est-ce qu'il est impur ou pas? Donc la majorité des savants, ils considèrent que le sang de l'être humain est impur. حتى نقل الإجماع عن ذلك. Jusqu'à que certains, ils ont rapporté le consensus. Mais tous les consensus qui sont rapportés ne sont pas exacts. Il faut savoir cela. Donc la majorité des savants considèrent que le sang de l'être humain est une impureté. Et il y a une partie de savants qui considèrent que le sang de l'être humain n'est pas impur. Que le sang de l'être humain n'est pas impur et qu'il est pur. Et ils ont pour cela des preuves. Ils ont pour cela des preuves. Notamment, l'asl, al-rujou' ila l'asl. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une preuve de l'kitab ou de sunnah que le sang de l'être humain, il est impur? Il n'y a pas de preuve explicite. Deuxième chose, c'est plusieurs récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de salaf rahimahumullah qui montrent que le sang n'est pas une impureté. Entre autres, il y a la qissa qui est rapportée par Ahl Sunan, même s'il y a une faiblesse dedans, où un homme priait et il a reçu des flèches. Mais il n'a pas coupé sa prière. Et il dit, le Hassan al-Basri rahimahullah, « Ma zal al-muslimouna yusallouna fi jirahatihim » Il dit, les musulmans n'ont cessé de prier dans leurs blessures, dans le sang qui coule. Donc cela nous prouve, mes très chers frères, et c'est l'avis le plus authentique, que le sang de l'être humain n'est pas impur. Et que si la personne se blesse, par exemple, au bras et que son vêtement est rempli de sang, eh bien qu'il peut faire les ablutions et prier dans son vêtement, car son vêtement n'est pas impur dans l'avis le plus authentique. Ensuite, il dit « Illa an yu'fa an iddam il yasir » Il dit « Sauf s'il y a un peu de sang, en considérant qu'il est impur. » Donc ceux qui ont considéré le sang comme étant une impureté, ils ont dit « S'il y en a peu, eh bien, ce n'est pas une impureté. » Dans le sens où il est difficile de s'en débarrasser. Mais ceci est une parole qui est dite sans preuve. التفريق بين القليل والكثير لا وجود للدليل عليه. Il n'y a pas de preuve qui prouve qu'il y a une différence entre le sang quand il y en a beaucoup ou quand il y en a peu. Ensuite, il dit الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول. C'est-à-dire le sang qui coule des animaux que nous mangeons. Donc il faut savoir, mes très chers frères, une chose. Que les animaux, ils sont le sang des animaux et de plusieurs catégories. Premièrement, un sang qui sort d'une bête qui est najis. Qui sort d'une bête qui est najis. Et comme le chien ou le porc, eh bien, ce sang-là est najis. Là, nous parlons d'un animal qui est lui-même impur. Donc, le sang est sorti de lui, ce sang-là est impur. Deuxième catégorie, un sang qui sort d'une bête qui est pure, comme le mouton, comme la chèvre, comme le chameau. Qu'il soit dans le sang qui sort d'une bête qui est pure, qu'elle soit vivante ou morte. Vivante ou morte. Eh bien, cela est de deux catégories. Ce sang-là est de deux catégories. Soit c'est du sang masfouh, du sang qui coule, qui est un jet. Eh bien, comme par exemple lorsque nous égorgeons Al-Eid et que le sang il éjacule partout sur les vêtements des gens, eh bien, il ne faut pas prier dans ces vêtements-là. Car Ad-Dam al-Masfouh, il est najis. Ce sang-là est impur. Ce sang-là est impur. En ce qui concerne le sang qui reste dans la bête, dans les veines ou dans la viande, eh bien ce sang-là, il est pur. Il faut bien différencier entre le sang qui éjacule et qui coule et entre le sang qui reste dans la bête et celui-là, il est tout à fait pur. Il y a une troisième catégorie. C'est un sang qui sort d'une bête qui est pure dans sa vie et après sa mort. Son sang, il est pur à la tôle. Et celui-là, c'est le sang par exemple, du poisson. Le sang du poisson. Le sang du poisson, il est pur. Que la bête soit vivante ou morte. Mais le sang de la bête qui est vivante ou morte, qui est pure, si c'est du sang qui coule, il est impur. Si c'est une bête qui est morte, une meïta, al-meïta, vous savez c'est quoi le meïta, la bête qui est morte toute seule, al-jifa, comme on dit nous. Eh bien cette bête-là, son sang, il est impur. Cette bête-là, son sang, il est impur. Puisque la bête est impure, même si c'est une bête qui est pure à la base. Parce que le meïtar, elle est impure. Donc, vous voyez là, mes frères, les différents cas d'animal. Qu'il soit pur ou impur, ou qu'il soit meïtar. Il dit ensuite l'auteur, rahimahullah, « Wa min al-najasat, baoul wa raouth, kullu hayawan, muharram akluhu. » Donc il dit, rahimahullah, une parole, il dit, et parmi les impuretés, l'urine et les excréments de tout animal qui nous est interdit dans la nourriture. Donc nous comprenons de la parole de l'auteur, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que tout ce qui est autorisé à manger, que son urine et ses excréments sont purs. Sahih? Tout ce qui nous est interdit, eh bien, son urine et ses excréments sont impurs. Mais tout ce qui nous est autorisé à manger, son urine et son excrément est pur. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ça c'est le madhab de l'jumhur. C'est la majorité des savants. Et vous vous rappelez du hadith qui est rapporté dans le Bukhari d'Ibn Mas'ud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui ramener quelque chose pour faire l'istijmar. On l'a cité déjà. Et que Ibn Mas'ud lui a apporté deux pierres et un raouf. Il lui a rapporté un excrément dur. Ça devient comme de la pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les pierres et a jeté un raouf. Il a jeté l'excrément. Pourquoi? Parce qu'ils disent dans une autre version que c'était l'excrément d'un âne. Donc l'âne, il est autorisé à manger. Il est interdit. Illa al-himar al-wahshi. Sauf l'âne sauvage. Mais l'âne domestique, il est interdit à la nourriture. Donc nous comprenons des paroles de l'auteur, rahimahullah, que l'animal, ou plutôt l'urine de l'animal et les excréments de l'animal sont interdits, sont impurs. Il faut savoir aussi, mes chers frères, que cela implique que l'urine et les excréments des animaux qui sont mangeables, comme le chameau, comme le mouton, comme la vache, la chèvre, eh bien, ils sont purs. C'est-à-dire que si tu as sur ton vêtement de l'urine de chameau, eh bien, tu pries. Son urine, elle n'est pas najisa. Et même le Nabi Sassim, il y a un hadith authentique où il dit de se soigner avec l'urine de chameau. De se soigner avec l'urine de chameau. Dans le sens qu'il faut la boire. Donc, il faut comprendre que ces choses-là, ils sont purs et qu'ils n'ont aucune impureté dedans. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَالسِّبَعْ كُلُّهَا نَجِسَ. Il dit وَالسِّبَعْ, c'est-à-dire les bêtes féroces. Elles sont toutes impures. C'est pour ça que je vous ai dit que le chien, généralement, يُلْحَقْ بِهِ الْحَيَوَانَاتْ الْمُفْتَرِسَ أي السِّبَعْ. C'est-à-dire qu'on met avec le chien tous les animaux féroces, comme le lion, le puma, les animaux comme ça, le tigre, etc. Donc il a été rapporté, d'après Ibn Omar, dans le hadith de Abu Daoud, que on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'eau. Elle est dans des terres. Takunu fi fala, c'est-à-dire qu'elle est à l'extérieur. Wa ma yanubuha min as-siba' wa ad-dawab, c'est-à-dire que il y a sûrement des animaux féroces qui viennent boire, etc. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit: "Idha balagha al-ma' qullatayn lam yahmil al-khabath." Hadith qu'on a cité précédemment. Donc les savants, ils ont considéré que ce hadith, que ça veut dire que l'animal féroce, il est impur. Il y a un autre avis des savants, et nous l'avons dit précédemment, c'est que l'eau, elle reste sur sa base. Que l'eau, elle reste sur sa base. Et il y a le verset aussi dans Sourate Al-Ma'ida. Al-Jawarih Mukallibin. C'est-à-dire les chiens, wa yulhaq bihi kullu hayawan muftaris. Et il rapporte, on met avec lui tous les animaux qui sont féroces. Il dit وكذلك الميتات. Il dit aussi, يعني qui est impur. Toutes les animaux qui meurent, يعني الميتات. Allah Azza wa Jalla dit حرمت عليكم الميتة. C'est-à-dire الميتة, c'est la bête qui est morte toute seule. Eh bien, elle est impure. Elle est impure. La bête qui est morte toute seule, elle est impure. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, même si elle est pure à sa base, comme le mouton par exemple, ou bien le chameau, mais que nous le retrouvons mort, eh bien c'est une bête qui est une meïta, et que nous pouvons considérer comme étant pure, mais elle est impure. Ensuite il dit, illa meïtat al-adami, sauf le mort parmi les êtres humains. Ça c'est un premier istithna. C'est une première exception. Donc, est-ce que le mort parmi les êtres humains, il est najis? Lui, il dit non. Il y a un khilaf entre eux, al-ulama. Certains disent que l'être humain, lorsqu'il meurt, il n'est pas najis, dans tous les cas. D'autres disent que le croyant uniquement n'est pas najis, mais le kafir est najis. Une troisième partie de savants, ils disent que tout le monde est najis avant son lavage rituel. Yani, rousl al-janaza. Le croyant aussi. Il faut qu'il fasse le rousl de janaza pour être pur. وَالصَّحِيحْ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Ce qui est le plus authentique, c'est ce qui a été dit par l'auteur. رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Donc il dit, sauf la personne qui meurt parmi les êtres humains, il est pur. وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً وَالسَّمَكْ وَالْجَرَادْ لِأَنَّهَا طَاهِرَةً. Il dit, et les bêtes qui n'ont pas de sang qui coule à l'intérieur, et le poisson, et le jarad, c'est Les criquets. Car elle est pure. Donc, les animaux qui n'ont pas de sang, ils sont purs ou impurs? De quoi parlons-nous? Nous parlons de la fourmi. Nous parlons de la mouche. Nous parlons de ces choses-là qui n'ont pas de sang qui coule. Et le hadith, il est clair. Le hadith qui est authentique, qui est rapporté par le Bukhari. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si une mouche tombe dans le récipient de l'un de vous, qu'il la trempe. C'est-à-dire que si elle était impure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dû de la tremper. Mais il aurait dû de l'enlever. Mais le fait qu'elle soit pure, eh bien, il a dit de la tremper. Et nous savons qu'il y a le médicament dans une aile et le mal dans l'autre aile. Amma samak wal jarad. Vous connaissez tous le hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même s'il y a une faiblesse dans ce hadith, et que il est rapporté par Ibn Umar, et que le plus authentique, c'est que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Uhillat lana maytatan, al-hout wal-jarad ». Il dit Ibn Umar, on nous a autorisé deux choses qui sont mortes, yani. Al-hout, le poisson, et les criquets. C'est le criquet, hein? Les criquets. وقال النووي رحمه الله تعالى فالسمك والجراد طاهران بالنصوص والإجماع. Donc il dit le Nawawi que le poisson et le criquet, ils sont autorisés avec les textes et l'ijma, c'est-à-dire le consensus. Maintenant le Musannif رحمه الله تعالى il va citer les preuves. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. Donc on vous a interdit la bête qui est morte et le sang. Et il a dit, وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا حيا ولا ميتا. Il dit, le croyant n'est pas impur vivant et mort. Et ce hadith a été rapporté par Abi Huraira dans الصحيحين في الصحيحين. وقال أحل لنا ميتتان ودمان. On nous a autorisé deux choses qui sont mortes et deux sangs. فأما الميتتان فالحوت والجراد, ce que j'ai cité d'Ibn Umar. وأما الدمان فالكبد والطحان. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, on nous a autorisé deux maïta et deux sangs. En ce qui concerne les deux morts, le poisson et le criquet. Et les deux sangs, c'est al-kabid, c'est-à-dire le foie, et al-tahan, c'est à l'intérieur, il y en a deux, de la bête. Ce sont les... Le français, c'est... Al-muhim, c'est les... S'il y a un nom, je sais c'est quoi en plus. C'est les... comment ça s'appelle ça? Non. Il y a un nom en français spécial qui parle... Al-Hadith Rah Ahmed ibn Majah. Ala kulli hal, Hadith Rah Ahmed ibn Majah. Donc, on a dit que l'homme, il est tahir, vivant et mort. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, « وَأَمَّا أَرْوَاثَ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالِهَا فَهِيَ طَاهِرَةِ. » Il dit, en ce qui concerne les excréments des animaux que nous mangeons et leur urine, elle est pure. Elle est pure. C'est-à-dire que les excréments et l'urine des animaux que nous mangeons, elle est pure. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu un peuple, d'après Anas, le voir, et ils sont venus lui demander, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit buvez du lait et de l'urine de vos bêtes, yani de vos chameaux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de boire de l'urine du chameau. Et si l'urine du chameau elle était najis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas ordonné de boire cette urine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lorsqu'on lui a demandé sur la prière, dans les endroits où on met les moutons, dans les écuries de moutons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, prier, il a autorisé de prier. Alors que nous savons que l'endroit où il y a les moutons, la takhlou min al-bawl wa al-rawth. Tihan ou tahan. Ouais. Comment ça s'appelle le mot là? Le foin. Non, non, non. Non, non, non. Les bas ou les abats. Les abats. C'est les abats de tahan. Donc il a parlé, l'auteur là, des excréments et des. De l'urine. Ensuite il dit wa mani'ul adami tahirun kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu rutbah wa yafriku yabisa. Donc al-mani c'est le liquide qui sort de l'homme ou de la femme, et nous allons l'expliquer dans lorsqu'on nous parlerons de l'rous avec détail, qu'il sort avec éjaculation, avec shahwa, avec envie, qui c'est un liquide qui est blanc, épais et gluant. Voilà les awsaf de al-mani, qui est le sperme en fait, pour être plus clair. Et le sperme il est tahir, il n'est pas impur, comme beaucoup de gens le croient. Il est pur, car il est rapporté dans le hadith de Aïcha, que Aïcha, lorsqu'il y avait du sperme du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son vêtement, كانت تفريكه, c'est-à-dire qu'elle le grattait avec son ongle pour l'enlever. Donc s'il était impur, il aurait ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le laver. C'est pour ça qu'il dit l'auteur rahimahullah, كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه, c'est-à-dire quand il était liquide, il le lavait, et quand ويفريكو يابسا, et lorsqu'il était sèche, il le grattait. دليلا على أنه ليست نجاسة. Donc, ce n'est pas une نجاسة. يعني المني. Même s'il y a un khilaf entre les savants, الصحيح, c'est que المني, il est pur. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه المضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أو يرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي. Donc il dit l'urine de l'enfant qui n'a pas encore mangé, yakfi fihi an-nadh, il suffit de l'asperger. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abu Daoud et de Nasa'i, il dit, il lave l'urine de la fille, de la petite fille, et on asperge l'urine du petit garçon. On va dire. Donc l'enfant qui est petit, lorsqu'il urine sur une personne, eh bien, il suffit d'asperger cet endroit d'eau. Donc, ici, nous voyons bien qu'il y a une différence entre la fille et le garçon. Donc ça, c'est un fadl. Il faut savoir que le garçon, il est meilleur que la fille. Il est meilleur, dans le sens que Allah a préféré. Pourquoi ? Parce que même dans l'urine, regardez, c'est une chose qui est simple. Eh bien, l'urine de la fille, qui n'a pas mangé lorsqu'elle est sur le vêtement de l'homme, eh bien il doit le laver. Et le garçon, il ne doit pas le laver, mais il suffit qu'il l'asperge. Donc les savants, ils ont divergé sur qu'est-ce que veut dire le fait qu'il n'a pas mangé. Certains ont dit qu'il n'a pas rien mangé du tout. D'autres ont dit qu'il a bu du lait uniquement, c'est-à-dire le lait de sa mère. D'autres, ils ont dit qu'il a bu du lait et du hassel. Et la chèque que l'enfant, il a bu le lait de sa mère, s'il urine, c'est celui-là qui est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne peut pas imaginer qu'un enfant, il va rester des mois sans manger du tout. Donc il prend le lait de sa mère, s'il urine, son urine, il suffit de l'asperger d'eau pour faire disparaître l'impureté, lever son jugement. Quelle est la sagesse dans le fait de différencier entre la fille et le garçon dans ce jugement? Ils ont dit plusieurs choses, les savants, rahimahumullah. Première chose qu'ils ont dit, c'est que le garçon, les gens l'emmènent avec eux. C'est-à-dire que le garçon, il est tout le temps avec le père, c'est-à-dire qu'il bouge, contrairement à la fille. Et c'est-à-dire que lorsqu'il va être à l'extérieur, il va trouver de l'eau à chaque fois pour laver? Il lui suffit d'asperger. D'autres, ils ont dit, car l'urine de la petite fille est plus lourde. D'autres, ils ont dit, car l'urine de la fille, elle se propage. Et ces paroles-là ont été rapportées par Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Il dit, rahimahullah, l'imam Sa'di, وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةَ طَهُرَ الْمَحَلِ. Il dit, c'est ce qu'on a dit au début, si l'impureté elle-même disparaît de l'endroit, eh bien l'endroit est pur. وَلَمْ يَضُرْ, regardez, et il n'y a pas de mal. وَلَمْ يَضُرْ بَقَى اللَّوْنِ أَوِ الرِّيحِ. Donc il n'y a pas de mal si il reste la couleur ou s'il reste l'odeur. S'il reste l'odeur, il n'y a pas de mal. Car le matloub, izalatu an-najasa, c'est le fait d'enlever an-najasa elle-même. Donc lorsque l'impureté est partie, son jugement se lève. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam li khawla fi dam al-hayd, yakfik al-ma wa la yadurruki atharuh. C'est-à-dire, il te suffit d'utiliser de l'eau et l'impact, son impact ne fait aucun mal. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, même si ce hadith-là, il est faible, le hadith-là que nous avons cité, qui est dans le livre, c'est un hadith qui est faible. Et il a été rendu faible, ce hadith, par Ibn Hajar, wa al-Nawawi, wa Ibn Rajab, wa al-Bayhaqi, wa al-Shawkani, wa Ibn al-Mulaqqin, wa Ibn Baz, fi usrina. Et pourquoi? Parce que il y a Ibn Lahi'a dans le Isnad, wa huwa da'if bil ijma', comme a dit Ibn al-Mulaqqin, qui est le cheikh d'Ibn Hajar. Mais bien sûr, pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi j'ai cité tous ces noms-là? Ibn Lahi'a. Pourquoi j'ai cité tout cela? Car le cheikh al-Albani authentifie ce hadith, qui est un hadith faible et qui a été rendu faible par jama'a de ulama. Mais c'est pour ça, comme je vous avais dit au début du dars, eh bien il ne faut pas avoir de ta'assum. Il ne faut pas être accroché aux avis des savants, car tous les savants, ils se trompent. Tous les savants, ils peuvent se tromper. Et la personne, tu vas lui dire, oui, mais 20 ou 30 alim qui sont incomparables dans l'ilm avec un tel, ils vont dire non, un tel quand même. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai cité tous ces noms, et je le ferai à chaque hadith qui sera faible et qui sera authentifié par un cheikh de notre époque. Donc voilà, mes très chers frères, en gros, ce qui est en rapport avec Bab al-Najasa. Je vous rappelle que Dars, il est Mukhtasar. C'est un cours qui est simplifié. Ce n'est pas en détail avec tous les avis, tous les dalils, tout ça. Sinon, on resterait 10 ans sur Al-Kitab سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.